je flippe. Si les mots que je donne sont un peu trop abstraits, quand les phrases déraisonnent, lorsqu'il n'y a plus qu'un trait, virgule ou pointillé, quelques heures qui m'agressent. La nuit est annoncée, la vie me le dit sans cesse. Et chaque fois que je me dis tout bas, n'arrête pas, ne freine pas. Et chaque fois que je me sens parfois à côté de ça. Je me dis